السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله يتولى الصالحين المخلصين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Amma ba'd. Le mois de Ramadan est, comme nous le savons tous, un mois béni, un mois qui regorge de bienfaits et de mérites. Mais ce sur quoi il se peut que nous soyons quelque peu distraits, c'est le fait de savoir que le mois de Ramadan est une madrasa. C'est une école. C'est une université qui dispense de nombreuses leçons. Et dans ces quelques cours, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons étudier ces différentes leçons et tenter d'obtenir notre diplôme. Non pas pour obtenir un poste dans ce bas monde, une élévation mondaine, mais plutôt obtenir une place chez Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Ainsi, notre cheminement vers lui et la demeure de l'au-delà ne sera que plus rapide et plus élevé. Le mois de Ramadan est un mois donc qui dispense des leçons, qui dispense des enseignements, tous plus importants les uns que les autres. Et il ne convient pas aux musulmans qui souhaitent le bien pour sa personne, pour sa famille, pour ses proches, de sortir du mois de Ramadan sans avoir acquis ces préceptes, sans avoir acquis cette science, sans avoir acquis ces nombreuses leçons. Et du début du mois de Ramadan jusqu'à la fin de Ramadan, il y a des leçons à tirer. Dans les journées du mois de Ramadan, comme dans les nuits du mois de Ramadan, il y a des leçons à tirer. Il ne faut donc pas sortir de ce mois, si ce n'est après avoir acquis ces nombreuses leçons. C'est donc une école d'éducation réellement et véritablement. Une école d'éducation bénie. Une école d'éducation dans l'adoration, dans le comportement, dans la mise en pratique de l'islam. Et cette école, avec ses leçons, tu ne peux la trouver nulle part, si ce n'est dans le mois de Ramadan. Et parmi les leçons que nous dispense le mois de Ramadan, il y a l'ikhlas, il y a la sincérité. Le fait d'adorer Allah Azza wa Jal seul, uniquement et sans associer. Le jeûne, c'est un lien solide entre le serviteur et son Seigneur. Personne ne peut voir et observer la réalité de ce lien, de ce jeûne. C'est la raison pour laquelle, dans le hadith Qudusi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « As-siyamu li wa ana ajzi bi » « Le jeûne est pour moi et c'est moi qui le rétribuerai. » Le jeûne est pour moi et c'est moi qui le rétribuerai. Il dit également yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Il délaisse sa nourriture, sa boisson et son désir pour moi. Ce terme-là, min ajli, pour moi, c'est ça la sincérité. Voici donc une grande éducation. Voici donc une grande leçon que nous dispense le mois de Ramadan. الإخلاص لله سبحانه وتعالى la sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala et ce dans toutes les œuvres et adorations. الإخلاص c'est tasfiyatul amal, c'est le fait d'épurer l'action, c'est le fait d'épurer l'action de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais l'adoration ne la faisant que pour Allah. Tu fais l'adoration, ne recherchant à travers elle que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela, Al-ikhlas, c'est le fait d'être loin de toute ostentation, de tout polythéisme, de tout partage dans cette adoration. Mais tu l'as fait exclusivement et uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas, c'est ce qu'Allah, c'est l'ordre suprême d'Allah dans le Coran. Il nous dit dans Surah Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Il ne l'a cependant été ordonné que d'adorer Allah seul d'un culte sincère, d'un culte exclusif. Al-Ikhlas, c'est la religion qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans Surah Az-Zumar, أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ. N'est-ce pas Allah qui appartient à la religion pure? Al-Ikhlas, c'est la religion qu'Allah Azza wa Jal a agréée pour ses serviteurs. Il nous dit dans le Coran, وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Et j'ai agréé comme religion pour vous l'istislam. L'islam. Et l'islam est fondé, bâti sur l'istislam ou lillahi bittawhid, sur la soumission à Allah de par le monothéisme. L'islam, c'est la religion de l'ikhlas. C'est la religion de la sincérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète et messager de proclamer sa sincérité dans le culte de l'être adoré. Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِ. En surat Az-Zumar dit, c'est Allah que j'adore avec sincérité dans sa religion. Il lui dit également de dire dans Sourate Al-An'am, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ. Dit, certes ma prière, ou certes mes prières, mes sacrifices, ma vie et ma mort, tout cela appartient à Allah, le Seigneur des mondes. Il n'a pas d'associé en cela. Et c'est ce qui m'a été commandé. El-Ikhlas. Pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Pour cela, Allah tabaraka wa ta'ala nous a fait exister. Il nous dit dans Surah Al-Mulk, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, voir lequel d'entre vous œuvrera au mieux, et c'est lui le puissant, le grand pardonneur. Ça c'est dans Surat Al-Mulk. Et dans Surat Hud, وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Dans Sourate Hud également, celui est celui qui a créé les cieux et la terre en six jours, alors que son trône était sur l'eau, pour vous éprouver et voir lequel d'entre vous œuvrera au mieux, sera le meilleur en matière d'œuvre. Dans ces deux versets, on nous parle de la meilleure œuvre. On peut ajouter dans Sourate Al-Kahf, Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. À nouveau dans Sourate Al-Kahf, on nous dit pour vous éprouver, pour les éprouver, voir lequel d'entre eux œuvrera au mieux. Et Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous dit wa lam yaqul akthara 'amala. Bel ahsana amala. Et il n'a pas dit celui qui œuvrera le plus, mais il a dit le mieux. Wa la yakunu al-amalu hasanan hatta yakuna khalisan lillahi ta'ala 'ala shari'ati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'œuvre ne sera pas bonne tant qu'elle ne reposera pas sur la sincérité d'Allah et sur la législation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dès lors qu'il manque, que l'œuvre est dénuée d'une de ces deux conditions, l'œuvre devient vaine. L'œuvre devient vaine. Sa parole s'arrête ici, rahimahullahu ta'ala. Les gens de la sincérité sont l'assise du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont la compagnie choisie par Allah azza wa jal pour son messager. Dans sourate Al-Kahf, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Allah Azza wa Jal dans ce verset ordonne à son prophète d'endurer avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, ne recherchant à travers cela que son visage. Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète alayhi salatu wassalam de prendre ces fréquentations-là, les gens sincères. Al-Fudal ibn Iyad, j'oubliais, concernant le verset, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, il a dit akhlasuhu wa aswabu, c'est-à-dire le plus sincèrement pour Allah et le plus en conformité avec la sunnah. Car si l'action est sincère mais pas en conformité avec la sunnah, elle n'est pas acceptée. Et si elle est en conformité avec la sunnah mais pas sincère, elle n'est pas acceptée. Il faut absolument qu'elle soit sincère et en conformité avec la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Puis il a récité la fin de sourate Al-Kahf. Qul innama ana basharun mithlukum, dit je ne suis qu'un humain comme vous. Yuha ilay, on me fait la révélation, c'est ça la différence, on me donne la révélation. Annama ilahukum ilahun wahid, que votre divinité n'est qu'une divinité unique. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan saliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Quiconque espère donc la rencontre d'avec son Seigneur, qu'il fasse des œuvres pieuses et n'associe rien ou personne avec son Seigneur dans le culte. À la fin de ce verset, on a la sincérité et le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Allah tabaraka wa ta'ala a mis comme exception à la perte et à l'anéantissement les gens de la sincérité. Les gens sincères. Il nous dit subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Insan, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. Ou avant cela, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ. Exception faite de ceux qui se sont repentis, ont réformé, se sont accrochés à Allah et ont été sincères dans la religion d'Allah. Voici les gens de l'exception. Sinon, la plupart des gens courent à leur perte. Comme Allah nous dit dans le Coran, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Par le temps, certes, l'homme est en perdition. Puis on a cité les caractéristiques des gens sauvés. Et parmi ces caractéristiques-là, il y a l'ikhlas. Les gens de la sincérité sont ceux qui ont reçu les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au point qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait vanté la pureté de leur cœur à travers leur intention, leur sincérité. Il nous dit tabaraka wa ta'ala, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhi Allah, la nuridu minkum jazaa'an wa la shukura. Ils nourrissent, malgré leur amour pour ces choses-là, le pauvre, l'orphelin et le joug. Nous ne vous nourrissons que pour le visage d'Allah. Nous ne voulons de vous aucune récompense, aucune reconnaissance. L'imam, ou le mufassir Mujahid ibn Jabr, rahimahullah ta'ala, nous dit, la parole innama nut'imukum liwajhillah, nous ne vous nourrissons que pour le visage d'Allah, ça n'est pas ces gens-là qui l'ont prononcé après avoir fait cette bonne action. Mais c'est Allah Azza wa Jal qui a informé de leur pureté suite à leur acte C'est Allah Azza wa Jal qui a fait leurs éloges, afin qu'on puisse les prendre pour exemple. Al-Ikhlas, c'est la condition pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre acte d'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Inna Allah ta'ala yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisa wa btughi bihi wajhu subhanahu wa ta'ala. Certes, Allah le Très-Haut n'accepte parmi les actes que ce qui est fait sincèrement à la recherche de son visage. À la recherche de son visage. Donc, l'action n'est acceptée chez Allah qu'avec la sincérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Les actes ne valent que par les intentions et chacun sera rétribué selon son intention. Chacun sera rétribué selon son intention. Si l'action n'est pas faite sincèrement pour Allah, Allah ne l'accepte pas. Allah t'a créé, t'a orienté et t'a commandé de l'adorer seul d'un culte sincère. Et le serviteur adore son Seigneur et son Maître comme son Maître le commande. Et notre Maître est Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a commandé l'adoration qui est avec la sincérité. La sincérité, c'est la sagesse pour laquelle Allah nous a créés. Il nous dit dans son livre: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire illa liwahidun, que pour qu'il m'unifie. Et la base du monothéisme, c'est l'ikhlas, c'est la sincérité. C'est la sincérité. Et sans la sincérité, la personne perd tout. Et dans l'au-delà, elle n'a que le feu. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Quiconque désire ce bas monde et sa parure, nous lui accorderons selon ses actes et il ne sera en rien lésé, selon ce qu'il faisait. Voici ceux qui n'auront aucune part dans l'au-delà, si ce n'est le feu, et leurs œuvres sont vaines, et tout ce qu'ils œuvraient est caduque. Il s'agit de la personne qui, à travers ses actions, ne recherchait que ce bas monde. Il n'a pas été sincère, il n'a pas recherché l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. El-Ikhlas referme encore plus de mérite que ça. Nous pouvons mentionner que Al-Ikhlas est la cause de la délivrance dans nos soucis, nos afflictions et nos problèmes. Abu Huraira ou bien Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma nous dit: j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: انطلق ثلاثة نفر من من كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله أو أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. Trois personnes parmi ceux qui nous ont précédés étaient en voyage. Et suite à une pluie, ils se sont réfugiés dans une caverne. Et lorsqu'ils sont entrés, un rocher est tombé et a obstrué la sortie de la caverne. Alors ils ont dit: rien ne vous sauvera de ce rocher si ce n'est l'invocation d'Allah avec vos œuvres pieuses. C'est-à-dire les actions que vous avez faites sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. فقال رجل منهم أن أمّا يؤدي اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران. والله j'avais mes deux parents qui avaient atteint un âge avancé et je ne devançais jamais devant eux ni épouse ni argent, ou ni famille ni argent. Et un jour, je me suis reposé auprès d'un arbre, mais le sommeil m'a pris. Et cet homme-là avait l'habitude de traire ses bêtes et de leur apporter le lait. Et il ne devançait personne sur ses propres parts, de par sa piété, de par sa bienfaisance envers les parents. Et vous connaissez la grande place de la bienfaisance envers les parents. C'est une des meilleures œuvres. C'est la meilleure œuvre après la prière, obligatoire dans le hadith d'Abdullah ibn Saoud ou Abdullah ibn Omar dans le Bukhari. L'œuvre la plus aimée chez Allah, la prière à l'heure. Et ensuite, au message d'Allah, la bienfaisance envers les parents. Et je me suis levé, j'ai pris le lait, et je les ai trouvés endormis. J'ai détesté les déranger ou les réveiller, alors j'ai attendu ainsi. Il est parti de bonne heure. Il s'est tenu debout alors que le récipient était dans sa main. Il a attendu qu'il se réveille jusqu'à ce que le fajr arrive. Ils se sont réveillés. Il leur a donné à boire, ils ont bu. Donc vous voyez qu'ici, il a enduré, il a patienté et il n'a préféré personne devant ses parents. Dans une autre version, alors que ses enfants attendaient, Na'am est réclamé. Puis il a dit, Allahumma in kuntu fa'altu thalika btira'a wajhika fa'farrij anna ma nahnu fihi min hali sakhra. Ou Allah, si j'ai fait cela sincèrement, ou bien à la recherche de ton noble visage, de ton visage, délivre-nous de notre situation en repoussant ce rocher. فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِعُونَ الْخُرُوجِ. Elle s'est donc quelque peu déplacée sans pour autant leur permettre de sortir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le second a dit « J'avais la fille de mon oncle, qui était la femme que j'aimais le plus. Je l'ai voulu pour moi, mais elle se refusait. Jusqu'à ce qu'un moment de grande difficulté l'atteigne, de pauvreté, de faim, l'atteigne, elle m'est donc venue. Je lui ai donné 120 dinars. En conditionnant qu'elle se donne à moi. Et dans cette difficulté, cette femme a cédé et faibli. Jusqu'à ce que je me retrouve sur elle, elle me dit, je ne te permets pas cela si ce n'est en droit de le faire, c'est-à-dire si ce n'est avec le mariage. Alors je me suis levé, je suis parti, alors que c'était la personne que j'aimais le plus, et je lui ai même laissé tout l'or que je lui avais donné. Puis il a dit, Allahumma in kuntu fa'altu thalika btira'a wajhik, fafruj anna ma nahnu fi, fanfaradat is-sakhra, ghayra annahum la yastati'una al-khuruj minha. Puis cet homme a invoqué Allah par cette bonne œuvre, ce qu'on appelle at-tawassul. Ô Allah, si j'ai fait cela à la recherche de ton visage, c'est-à-dire sincèrement, pour toi, à la recherche de ton noble visage, délivre-nous et permets-nous de sortir. Le rocher s'est quelque peu déplacé, sauf qu'il ne pouvait pas encore, il ne pouvait tout de même pas sortir. Donc cet homme-là a invoqué Allah Azza wa Jal, le premier avec Birrul Walidayn, la bienfaisance envers les parents, le deuxième avec sa chasteté et le fait d'avoir peur d'Allah Azza wa Jal et ressenti sa surveillance. Et la sadaqa, qui lui a laissé l'argent. Le troisième, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Allahumma inni sta'jartu ujara, ou Allah, j'ai pris plusieurs employés. Wa a'taytuhum ajrahum, je leur ai donné leur salaire. Ghayra rajulin wahid, exception faite d'un seul homme. Il a laissé son argent, il est parti. Et moi, je l'ai investi, je l'ai fructifié, jusqu'à ce qu'il fût abondant. Et après un certain temps, il m'est venu et a dit, « Ya Abdallah, addi ilayya ajri, ô serviteur d'Allah, donne-moi mon salaire. » فقلت كل ما ترى من أجرك, tout ce que tu vois là est ton salaire. Il y avait des chameaux, des bœufs, des moutons et autres. L'homme lui a dit, Abdallah, la tastahzi bi, ô serviteur d'Allah, ne te moque pas de moi. Je lui ai dit, je ne me moque pas de toi. Alors il a tout pris. Il a tout pris sans rien laisser. L'homme a dit, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. Il a invoqué Allah par cette grande œuvre, et a dit, ô Allah, si j'ai fait cela à la recherche de ton visage, délivre-nous de ce dans quoi nous sommes. Et le rocher s'est déplacé, ils ont pu sortir et marcher. Qu'est-ce qui a sauvé ces trois personnes? Une grande œuvre basée sur quoi? Sur la sincérité. C'est la sincérité qui les a sauvés. À chaque fois, ils disaient, si Ya Allah, si j'ai fait cela sincèrement pour toi à la recherche de ta face, délivre-nous. Et ceci est un miracle. Et avec la sincérité, toutes les œuvres sont grandes. Regardez comment il a préservé l'aman, il a invoqué Allah Azza wa Jal par cela. Parmi les mérites de la sincérité, c'est que l'ikhlas, c'est l'essence même de la foi. L'ikhlas, c'est l'essence même de la foi. Dans le hadith de Abu Firas, un homme qui s'est converti a appelé le prophète alayhi salat wa salam. Ou plutôt, naam, c'est Abu Firas. Abu Firas qui a dit, Nada rajulun faqal, Ya Rasulallah, mal iman, qal al-ikhlas. Un jour, le prophète alayhi salat wa salam a dit aux compagnons, interrogez-moi sur ce que vous voulez. Alors un homme a dit, Ya Rasulallah, mal islam, qu'est-ce que l'islam? Il lui a répondu le fait de faire la prière, s'acquitter de la zakat. Puis il lui a dit, Famal iman, qu'est-ce que la foi? Il lui a dit, Al-Ikhlas. Ça prouve que la sincérité, c'est l'essence même de la foi. Parmi les mérites du Ikhlas, c'est une forteresse pour le cœur, ça le préserve de ses maladies. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dans le pèlerinage d'adieu, نَضَّرَ اللَّهُ مْرَأَنْ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ ثَلَاثٌ لَا يَغُلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مْرِئٍ مُؤْمِنٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالْمُنَاصَحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَجُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دُعَاءَهُمْ يُحِيطُ مِنْ مَنْ وَرَاءَهُمْ. Al-Bazzara, rahimahullahu ta'ala et autres, nous rapporte le hadith d'Abu Sa'id dans lequel le prophète, alayhi salat wa salam, a dit dans le pèlerinage d'Adieu, qu'Allah illumine la personne qui aura entendu ma parole, l'aura retenue. Et il se peut qu'un porteur de science ne soit pas savant. Trois choses suffisent aux croyants pour la préservation de son cœur contre la corruption. La sincérité dans ses actions pour Allah, le bon conseil envers les dirigeants musulmans et le fait de rester avec le groupe. Donc la sincérité, c'est une cause pour préserver le cœur. Parmi les mérites de la sincérité, c'est que c'est une cause pour obtenir le secours d'Allah Azza wa Jal. Le prophète Ali salat wa salam a dit, Innama yansurullah hadhihi al-ummata bi dha'ifiha wa bi da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. L'imam al-Nasa'i rahimahullah ta'ala, il a basé dans le Bukhari, le prophète Ali salat wa salam a dit, certes Allah secourt cette communauté par leurs faibles, leurs invocations, leurs prières et leur sincérité. et leur sincérité. On a déjà mentionné que parmi les mérites de la sincérité, il y a le fait que ce soit une cause, une condition pour qu'Allah accepte ton acte. Ya ayyuha an-nas, akhlisu a'malakum. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbalu min al-a'mali illa ma khalusa lah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit qu'il est celui qui se passe le plus d'associés. Puis il a dit, ô vous les gens, soyez sincères dans vos œuvres, car certes Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte comme œuvre que ce qui est fait sincèrement pour lui. Que ce qui est fait sincèrement pour lui. Aussi le prophète alayhi salatu wassalam a été questionné au sujet d'un homme qui fait de grandes œuvres en recherchant la renommée. Qu'a-t-il comme récompense? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « La shay, il n'a rien ». On lui a posé la question trois fois, il a répondu « Il n'a rien ». « Inna Allah azza wa jal la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisa wa abtughiya bihi wajhu » Abu Daoud, An-Nasa'i et autres nous disent que le prophète alayhi salatu wassalam a été, ou plutôt a dit, certes Allah azza wa jal n'accepte comme œuvre que ce qui est fait sincèrement à travers la recherche de son visage. À la recherche de son visage. La sincérité, c'est ce qui compte par-dessus tout auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'endroit qu'il regarde de toi, le cœur. C'est l'endroit qu'il regarde de toi. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Innama al-a'malu bin-niyya » Les œuvres ne valent que par l'intention. « Wa innama likulli imrin ma nawa » Et chacun sera attribué selon son intention. C'est-à-dire que la considération de l'acte chez Allah se fait en fonction de l'état de ton cœur, l'état de ton intention. Est-ce que tu as recherché Allah à travers cette œuvre ou non? Ou est-ce que tu as recherché ce bas monde? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Wa fi riwaya wa ashara bi asabi' ila sadrihi wa a'malikum. Certes Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs. Et il a montré avec ses doigts, sa poitrine, et a dit, et vos œuvres. Allah regarde vos cœurs et vos œuvres. Na'am, et l'endroit du cœur est la sincérité. C'est l'endroit de la sincérité. Al-ikhlas, ikhwat al-iman, la sincérité, mes très chers frères, c'est ce par quoi le serviteur obtient la réussite. Dans ce bas monde, obtient la réussite dans sa tombe, obtient la réussite dans l'au-delà. Rien ne pèsera plus lourd sur la balance du serviteur que la sincérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'on amènera un homme de la communauté le jour de la résurrection devant toutes les créatures et on lui déploiera 99 feuillets, chacun de ces feuillets à portée de vue, sera à portée de vue. C'est-à-dire vraiment, il renfermera énormément d'œuvres de péché. Puis on dira à cet homme, est-ce que tu renies une chose mentionnée ici? Est-ce que les scribes t'ont opprimé? Ils diront non, il dira non au Seigneur. On lui dira, est-ce que tu as une œuvre à présenter? C'est-à-dire, il va avoir le jugement, la balance. Est-ce que tu as une bonne œuvre à présenter? Il répondra non, il aura peur, il répondra non. On lui dira, mais si, tu as une bonne œuvre et tu ne seras pas opprimé aujourd'hui. Alors on sortira une carte sur laquelle sera inscrit Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sur cette carte sera écrit j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah seul son associé et que Muhammad est son serviteur et messager. Il dira, mais que pourra faire cette carte face à ces 99 feuilles? On lui dira, tu ne seras pas opprimé aujourd'hui. Alors on mettra les 99 feuilles sur un plateau de la balance. Et on mettra cette carte avec la parole du tawhid, de la sincérité, sur l'autre plateau. Et les 99 feuillets voleront en éclats. Naam, littéralement voltigeant. Il n'y a rien de plus lourd sur la balance que le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il est bien connu, les savants disent, il est bien connu que tous les musulmans viendront avec la ilaha illallah le jour de la résurrection. Mais pourquoi lui a pu brûler avec cette carte ces 99 feuillets de péché? Les savants ont dit, de par la force de son intention, de par la force de sa sincérité, de sa véracité, Allah Azza wa Jalla lui a accordé ce haut rang. Avec la sincérité, tout ce que tu feras, tu en obtiendras la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu seras constamment dans le bien. Dans Surah An-Nisa, Allah Azza wa Jalla nous dit, لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Il n'y a pas de bien dans beaucoup de vos mesbahs, si ce n'est celui qui ordonne une aumône, un bien ou une réconciliation entre les gens. Et quiconque fait cela à la recherche de l'agrément d'Allah, on lui accordera une immense récompense. Avec la sincérité, tu obtiendras d'énormes récompenses, même dans les habitudes de vie et les choses du commun. Le prophète, alayhi salatu wa salam, nous dit, إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهِ حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ. L'imam al-Bukhari dit que le prophète alayhi salat wa salam a dit, tu ne dépenseras aucune chose en recherchant à travers cela la face d'Allah sans qu'Allah ne te récompense. Jusqu'à la bouchée que tu mets dans la bouche de ton épouse. Ainsi, avec la sincérité, les œuvres du commun deviennent les plus grands biens que tu prépares pour le lendemain. On demande à Allah Azza wa Jalla l'ikhlas dans toutes nos œuvres. L'ikhlas rend immense les œuvres à hauteur des montagnes. Et à l'inverse, l'ostentation réduit à néant, en poussière, les œuvres, même si elles sont grandes et immenses comme des montagnes. Wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura. On avancera ce qu'ils ont fait comme œuvre et on rendra tout cela poussière éparpillé. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala disait: "Rubba 'amalin saghir tukabbiruhu an-niyyah wa rubba 'amalin kabir tusaghiruhu an-niyyah." Il se peut qu'une petite œuvre soit rendue colossale par une bonne intention et il se peut qu'une grande œuvre soit rendue infime et minime à cause de l'intention. À cause de l'intention. Naam. Et le hadith de la carte, hadith al-bitaqa, vient d'être mentionné. Cette sincérité, les pieux prédécesseurs l'avaient comprise. Et c'est pour cela que dans toutes leurs œuvres, dans toutes leurs actions, dans toutes leurs paroles, ils faisaient attention à la sincérité. Voici Zubayr ibn al-Awwam radiallahu anhu qui dit: من استطاع ان تكون له خبيئه من عمل صالح فليفعل. Quiconque peut avoir une bonne action entre lui et Allah cachée, qu'il le fasse. C'est-à-dire des actions que personne ne connaît, ni même ton épouse qui dort avec toi, ni même ton enfant qui t'accompagne au quotidien, ni même ton meilleur ami que tu as régulièrement au téléphone et avec qui tu marches et tu manges. Tu dois restreindre certaines actions et personne ne doit les connaître. Pour t'en réjouir le jour de la résurrection et recevoir la récompense de celui et l'unique pour lequel tu œuvrais. Abu al-Ali radiallahu anhu dit, قال لي أصحاب محمد, les compagnons de Mohammed radiallahu anhum wa sallallahu alayhi wa sallam disaient, La ta'amal li ghayrillah, fa'ikilak Allah ila man amiltala. N'agis jamais pour autre qu'Allah, sinon Allah t'abandonnera à ceux pour qui tu as œuvré. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu disait, la yaqillu amalun ma'a taqwa, wa kayfa yaqillu ma yutaqabbal. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu disait, aucune œuvre ne peut être minime avec la piété. Et comment une œuvre acceptée chez Allah pourrait être qualifiée de petite? Uthman ibn Affan radiallahu anhu disait, man amila amalan kasahu Allahu rida'a, in khayran fa khayra, wa in sharra fa sharra. Quiconque fait une œuvre, Allah lui l'habit de son œuvre. Si c'est un bien, alors un bien, si c'est un mal, alors un mal. Hamdoun al-Qassar rahimahullahu ta'ala a été interrogé. Ma balu kalam al-salaf anfa'u min kalamina. Comment se fait-il que les paroles des pieux prédécesseurs soient plus bénéfiques que les nôtres? Il a répondu, li annahum takallamu li'izz al-islam wa ridha ar-rahman wa nahnu natakallamu li'izz an-nufus wa talab ad-dunya wa ridha al-khalq. Pourquoi? Car ils ont parlé pour la suprématie de l'islam, l'agrément du tout miséricordieux. Alors que nous parlons pour la suprématie de nos propres personnes, la recherche de ce bas monde et l'agrément des créatures. Les pieux prédécesseurs, leurs paroles étaient peu, mais très bénéfiques. Et les contemporains, leurs paroles sont multiples, mais il y a peu de bénéfices. Donc la première leçon que nous avons étudiée aujourd'hui, c'est la sincérité. Et cette leçon a été étudiée par les compagnons, par les pieux prédécesseurs. Elle a été assimilée, elle a donc donné les meilleurs fruits. Des fruits mûrs, des fruits à portée de main, des fruits prêts à la consommation. Ces fruits ont donné lieu aux meilleures paroles, aux meilleures actions. Et au meilleur siyam, au meilleur jeûne. Le mois de Ramadan a donc de nombreuses leçons. La première que nous avons étudiée, et j'espère qu'elle a été assimilée aujourd'hui, est l'ikhlas. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wa salli Allahumma wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى ونعوذ بك من فتنة الفقر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد ونقي قلوبنا من خطاياها كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء